Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la nouvelle législation relative à la prise des congés payés et aux arrêts maladie. L'article 37 de la loi du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, met en conformité le Code du travail en matière d'acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle avec le droit communautaire. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024 dernier. Alors le premier point, c'est l'acquisition de 2 jours de congés par mois pour les maladies non professionnelles. En effet, l'article 37 de la loi instaure l'acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladies non professionnelles, soit 24 jours par an. Pour rappel, pour les maladies dites professionnelles, le ou la salariée acquiert quant à lui 2,5 jours de congés par mois. La loi est bien entendu rétroactive et s'applique aux arrêts de travail du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. Ainsi, concernant l'application de cette nouvelle disposition, la loi indique que pour la période postérieure au 1er décembre 2009, le salarié pourra invoquer le bénéfice d'au moins 4 semaines de congés payés annuels auprès de son employeur au titre des absences pour cause de maladies non professionnelles. Le salarié devra fonder son action, bien entendu, sur le droit de l'Union européenne devant la juridiction française. À noter qu'un dispositif doit être mis en place par l'employeur afin, bien entendu, que le salarié ne dépasse pas les 24 jours de congés annuels payés au titre de ses absences. Alors, concernant les arrêts maladie antérieurs, quel délai pour agir pour ces arrêts maladie? Le sujet important de la rétroactivité dans la reconnaissance des droits à congés payés consécutifs d'une maladie non professionnelle a également été traité. Ainsi, le délai pour agir dépend de la situation du ou de la salariée. Si le salarié n'est plus lié à son employeur en raison d'un départ volontaire, d'un licenciement ou d'un départ à la retraite, la prescription de 3 ans pour agir en paiement des indemnités compensatrices de congés payés s'appliquera. Elle fera bien entendu obstacle aux actions en cours ou à venir engagées par le salarié ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge. Ensuite, si le salarié est encore lié à son employeur au moment de la demande, il disposera d'un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour agir en justice afin de réclamer des congés payés au titre de périodes antérieures. Ce délai s'appliquera même en l'absence d'information de l'employeur. Le second point, c'est la validation d'une période de report de 15 mois des congés acquis avant ou pendant une période d'arrêt maladie. Ainsi, le report des congés acquis avant ou pendant un arrêt maladie professionnel ou non, la loi dispose que la durée de la période de report des congés acquis ne peut pas être inférieure à 15 mois. Ainsi, la loi répond à 2 situations. Pour les congés qui sont acquis et non utilisés en raison de l'expiration de la période de prise de congé du fait d'un arrêt maladie, une période de report de 15 mois débutant à la reprise du travail sera ouverte à la condition que l'employeur ait été informé le salarié de ses droits. Un exemple, le cas où le salarié reprend son travail. Le salarié est absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2021, jour où il reprend son travail. Il reçoit les informations de son employeur le 15 avril 2025. Alors le solde de congé qu'il pouvait prendre avant son arrêt maladie peut être reporté jusqu'au 15 juillet 2026, date de fin de la période de report. Pour les droits à congés acquis durant les très longs arrêts maladie comprenant plusieurs périodes d'acquisition de droits, un délai de report acquis pendant une absence pour maladie est instauré. Il débute à la fin de la période d'acquisition des droits si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 année en raison de la maladie ou de l'accident. Au terme d'un délai de 15 mois, les droits à congé expireront donc définitivement, même si le salarié est encore absent du fait de sa maladie et qu'en raison de la suspension de son contrat, il n'a pas pu être informé de ses droits par son employeur. La loi précise que si l'employeur a pu informer le salarié car celui-ci est revenu avant l'expiration de la période du report de 15 mois, alors le point de départ de la fraction restante de la période de report sera la date à laquelle l'information a été délivrée par l'employeur. À savoir qu'il est possible de fixer une période de report supérieure à 15 mois, bien entendu, par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.